C'est le son de l'été, c'est le son des refrains, c'est le son de l'été, c'est le son des refrains, c'est le son de l'été, c'est le son des refrains, c'est le son de l'été, c'est le son des refrains, c'est le son. C'est le son. Toi t'es whisky glace, accoste avec classe. Passe des bonnes phases et pile au palace, yeah. Pas nager bien, frais pote qu'à parfumer glace. Prends ton pied, les vagues du bourras, yeah. C'est l'été, ouais c'est l'été. C'est le son des deux refrains. C'est le son qui va te mettre au frais le reste de l'année. J'veux faire le tour du monde avec mon avion. J'veux faire tourner notre son dans toutes les nations. J'veux faire le tour du monde avec le frelon. J'veux faire tourner notre son dans toutes les nations. Bouge, bouge sans te retourner. Bouge, bouge, je paye ma tournée. Bouge, bouge sans te retourner. Bouge, bouge, je paye ma tournée. Right. Parle à tout le monde, paye tes tournées. Regarde mes shows, ils flongent, yeah. Parle à tout le monde, paye tes tournées. Regarde mes shows, ils flongent, yeah. Pour qu'il y ait nos Turquies, qu'on suski, tape plein en Bosnie, yeah. Pour qu'il y ait nos Turquies, qu'on suski, tape plein en Bosnie, yeah. J'veux faire le tour du monde avec mon avion. J'veux faire tourner notre son dans toutes les nations. J'veux faire le tour du monde avec le frelon. J'veux faire tourner notre son dans toutes les nations. C'est des vacances en plein été, c'est des vacances pour profiter. C'est des vacances en plein été, c'est des vacances pour profiter. C'est des vacances en plein été, c'est des vacances pour profiter. C'est des vacances en plein été, c'est des vacances pour profiter. Bouge, bouge sans te retourner. Bouge, bouge, je paye ma tournée. Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. C'est plus de mythes, elle influe de dopamine. C'est torride, c'est torride, c'est torride, yeah. Vas-y bouge ton corps et fais péter les watts. Dans toutes les boîtes de Paname, ça déboîte, ça déboîte. C'est l'été, fais péter, faut profiter. Rester posé sous le soleil de Saint-Tropez. À savourer les défilés des jolies filles. Sur les plages, vos terrasses, dans tous les coins de la ville. J'veux faire le tour du monde avec mon avion. J'veux faire tourner notre son dans toutes les nations. J'veux faire le tour du monde avec le frelon.